qui restent pas à l'ombre, ils deviennent tout rouges. Coup de soleil brûle, ça lui fait des croûtes. Faut pas le laisser faire qu'à t'image des moules. Ça le fout à la verre et il se roule à boule. Ça remonte de coups un peu comme un geyser. Et puis ça sale le mort à 5 km. Ciao, hein, John. Pas de problème, hein. Bon, ouais, y'a pas de problème, John. Tu y es calme, tu y es. Baba Johnny dégoût. T'aimes pas la pêche, alors on se demande qu'est-ce qu'il est venu faire, ça me fout les glandes. Il était pas bien là-haut dans sa capitale. Il vient de piquer le boulot, mais c'est quoi ces salades? Le tien, le mien, le sien, alors on se regarde. Faut qu'on se bouge le trait, y'a pas de déconnade. Allez, hein, ciao, hein, John. Pas de problème, hein. Bon, ouais, y'a pas de problème, John. Parce qu'ici, tu vois, c'est un peu l'overdose.